Ça ne va pas commencer à Routchour, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Sinon, ça couille. Encore une fois, c'est moi-même. Mi frère, les gars d'Andy. Et ces gars, ils roulent pour moi-même. Roule pour le lion. Ah ouais, c'est top pour l'ambiance. Non, pas pour 10. Assois, n'a pour haine. T'inquiète, pas pour 10. Son frère, c'est désir. Son frère, c'est pudding. Mi frère, flip le game. Tu m'as dit Poutine. Pour attester à nous. Ami, tu boutades. Envoie la patate. Envoie la moutarde. Ouais, les nids, c'est ça. Personne, c'est ma carte. Mi comme tout le monde, frère, fuck toute la mouka. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirol pour tester direct. Moi, mi bec ou ZLLL. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirol pour tester direct. Moi, mi bec ou ZLLL. Donc, à l'écoute. Ton gars fait le cré, tout est ta chicha. Sors devant nous et fais pas de chichi. Poto veut la frappe, elle est pas stop. Au calme, on va jouer, continue ma stop. Mon son c'est la frappe, il arrive sous vide. Mon son est partout, partout comme Covid. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirol pour tester direct. Moi, mi bec ou ZLLL. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirol pour tester direct. Moi, mi bec ou ZLLL. Donc à l'écoute, tout. À l'écoute, ton cœur. LLL, c'est tirol pour tester direct. Moi, mi bec ou ZLLL. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirol pour tester direct. Moi, mi bec ou ZLLL. Donc, à l'écoute, tout. À l'écoute, ton cœur. Donc, à l'écoute, tout. À l'écoute, ton cœur. Encore une fille, ça soit de faux, laisse monter. Ma petite fille, ça soit de faux, laisse monter. À l'écoute, ton cœur. Yo, DJ Chad, comment on va ça de là-haut, mon petit meuf? Ah ouais, c'est lourd, hein. Hey, garde quoi? Ah, t'as capté ou pas? L'élite c'est nous, l'élite c'est fort! What's up? Walalalalala! Ça ne va pas commencer à Routchour, ni à Manon, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir! Vous attendez! Vous allez fuir! Vous allez fuir!